Trahison de Jockey. Une enquête de l'inspecteur Pinson par Jacques Bellem. L'établissement de l'entraîneur Danby est l'un des plus importants de Maison Lafitte et bon nombre de gagnants des grandes épreuves sont sortis de ses écuries. Danby a d'ailleurs su s'attirer depuis longtemps la confiance des grands propriétaires car son honnêteté est proverbiale sur le turf et c'est même là un détail digne d'être noté car le public est généralement porté à mal juger du monde des courses, souvent avec raison malheureusement. Trois fois déjà, Danby avait eu l'honneur de voir des chevaux entraînés chez lui gagner le Grand Prix de Paris, et cette année encore, nous avons vu Fra Diavolo remporter cette grande victoire sportive. Le gros public, cependant, ignore ce qui se passe à l'entraînement. Aussi est-il intéressant de compter comment il se fit que le jockey Store menait la bête au poteau d'arrivée au lieu du jockey Wells qui depuis longtemps était désigné pour le monter. Voici les faits. Danby hésitait depuis un certain temps entre les deux jockeys, également cavaliers hors ligne. Consulté par le propriétaire de Fra Diavolo, il n'avait pas voulu donner son avis car il considérait que l'un comme l'autre avait les plus grandes chances de gagner. L'animal du reste était parfaitement préparé et l'entraîneur n'avait eu aucune préférence entre Store ou Wells. Dans la semaine qui précédait le Grand Prix, Danby eut un jour un entretien avec le propriétaire de Fra Diavolo, à la suite duquel il vint trouver le jockey Store. L'entraîneur mâchonnait un cigare et l'on voyait bien qu'il était ennuyé. « Voyons, monsieur Danby, qu'est-ce qu'il y a ?» interrogea Store. « Vous avez de mauvaises nouvelles pour moi ?»« Eh bien oui, mon ami, » répondit l'autre. « Tenez. » Il vaut mieux que je vous le dise tout de suite. Je viens de causer avec le propriétaire de Fra Diavolo, qui m'a appris qu'il a fixé son choix sur Wells pour monter sa bête. Je n'ai pas à le regretter, car je considère que vous, Wells, vous étiez sûr de gagner. Mais cela m'ennuie tout de même pour vous. C'eût été là l'occasion de remporter votre premier Grand Prix. Tant pis, monsieur Danby, tant pis. Après tout, le propriétaire a bien le droit d'engager qui bon lui semble. Et je suis certain que Wells mènera les couleurs de son patron au poteau. » L'entraîneur tourna les talons tout en mordillant son cigare, puis revenant subitement. « Dites-moi, Store, vous avez peut-être la chance que Wells ne monte pas Fra Diavolo au Grand Prix. Vous savez que sa femme est très malade et qu'elle est traitée dans une maison de santé de Paris. Oui, je sais. Et le malheureux s'en montre même très affecté, car il adore sa femme. » Et je suis persuadé que si un malheur lui arrivait, il ne monterait pas. Moi aussi. Mais je suis bien loin de souhaiter pareil malheur, même pour avoir l'honneur de conduire Fra Diavolo au poteau d'arrivée. Vous ne m'avez pas compris, Store. Je vous dis simplement que malade comme elle est, sa femme peut venir à mourir d'un instant à l'autre et que vous seriez à le rappeler à prendre part au Grand Prix. Mais j'espère de tout mon cœur qu'elle se remettra. La nouvelle du choix de Wells fait par le propriétaire de Fra Diavolo fit bientôt le tour des écuries de Danby et cette décision y fut vivement discutée car Store comme Wells avaient leurs partisans parmi les jockeys et les lads d'écurie. Notons en passant que les deux jockeys étaient rivaux de vieille date et que bien que se traitant courtoisement pour les besoins de leur profession, ils se sentaient une certaine animosité l'un pour l'autre. Animosité certainement beaucoup plus marquée de la part de Wells que de celle de Store. Les quelques jours qui précédaient le Grand Prix de Paris se passaient rapidement et le jour de l'épreuve arriva enfin. Les chevaux étaient à Longchamp depuis le matin, préparés pour la lutte et comme le temps était splendide, un public énorme était réuni sur la pelouse, tandis qu'aux tribunes on apercevait une affluence de toilettes ravissantes. Les premières courses qui précèdent celles du Grand Prix avaient eu lieu et le public s'apprêtait pour l'épreuve la plus importante quand, au paddock, un télégraphiste avança vers Danby. « Monsieur Danby, un télégramme pour Monsieur Wells, jockey. »« Donnez, » fit Wells, et il décacheta le papier bleu puis pâlit. « Pas de mauvaises nouvelles, j'espère, » lui demanda Danby. « Lisez vous-même. Ma pauvre femme est à l'agonie. Je ne resterai pas un instant de plus. »« Vous le comprenez, Monsieur Danby, quelle guigne. » On remarquera qu'à ce moment, Wells pensait beaucoup plus à lui-même et à son propre désappointement qu'à la mourante. Danby ne put s'empêcher d'en être choqué, il n'en dit rien toutefois. « C'est bien, » fit-il. « Allez, Wells, Store montera Fra Diavolo à votre place. » Wells partit aussitôt et sauta dans une automobile qui stationnait à proximité du pesage. Le Grand Prix eut lieu, et le public des courses se montra bien quelque peu surpris que le jockey annoncé par les feuilles sportives comme devant monter Fra Diavolo eût été changé au dernier moment. Mais après tout, cela n'avait pas grande importance, d'autant que le cheval gagnait de plusieurs longueurs sur ses concurrents. Le propriétaire et Danby se montraient aussi fiers de ce succès que le Jockeystor, dont nous l'avons dit, c'était le premier Grand Prix. Comme on annonçait la dernière course, Wells reparut au pesage. Danby l'aperçut et alla au-devant de lui. « Eh bien, mon ami, lui fit-il, pas de plus mauvaises nouvelles, je suppose ? Non. Votre femme va de mieux en mieux. Mais alors ce télégramme ?»« Ce télégramme ?» reprit Wells, avec un mauvais sourire aux lèvres. « Ce télégramme a été envoyé par un gredin qui savait qu'en apprenant cette nouvelle, je ne monterais pas Fra Diavolo dans le Grand Prix de Paris. Voilà, monsieur Danby. Mais c'est une infamie. Ou alors vous devenez complètement fou, Wells. Tenez, voici le télégramme. Vous voyez vous-même qu'il a été envoyé de Paris juste à temps pour m'empêcher de prendre part à la course. Laissez-moi cela, répliqua l'entraîneur. Mais non, non, il ne sera pas dit que pareille chose se sera passée chez moi. J'exige cette pièce et je vous jure que je tirerai l'affaire au clair. Avez-vous des soupçons sur qui que ce soit ? Wells eut un autre sourire méchant. Voilà une question bizarre, monsieur Danby. Il n'y a qu'une personne qui a eu intérêt à m'envoyer cette dépêche. Et je ne crois pas avoir à vous dire son nom, vous le savez aussi bien que moi. Store, dame. Et Wells quitta Danby pour rejoindre quelques autres jockeys qui se trouvaient là et félicita même Store de sa victoire. L'entraîneur mit le télégramme dans sa poche, évita de rencontrer Store et ne souffla un mot de l'affaire au propriétaire de Fra Diavolo. Puis, comme la dernière course de la journée venait d'être courue, il s'éloigna du pesage et regagna Paris en toute hâte. « Voyons, voyons, monsieur Danby, » fit l'inspecteur Pinson qui déjeunait le lendemain matin chez l'entraîneur à Maison Lafitte. « Vous dites que ce télégramme n'a pu être envoyé que par Store ? Il est de fait qu'il avait tout intérêt à empêcher Wells de monter le cheval, et il est certain que toutes les présomptions sont contre lui. Mais il ne faut pas juger sur des présomptions. Je m'en suis aperçu plus d'une fois dans ma carrière de policier. On se lance quelquefois sur une piste, puis, au moment décisif, on s'aperçoit qu'on a fait fausse route et que le coupable est tout autre que celui qu'on avait pensé. Confiez-moi ce télégramme et je vous assure que vous saurez le fin mot de l'histoire. » Là-dessus, Pinson partit et regagna le village de Maison Lafitte, où il retint une chambre dans un hôtel. Toute la soirée, il songea à cette curieuse affaire, fit un tour dans différents cafés fréquentés par jockey et latte d'écurie, mais bien que l'incident du télégramme fût vivement discuté, et de différentes façons, par les consommateurs, il ne put obtenir aucune information intéressante. Tout le monde, cependant, semblait accuser Store de cette action malhonnête. « Et pourtant, je ne le crois pas, » songeait Pinson. « Quelque chose me dit que Store en est absolument innocent. Enfin, nous verrons bien. » Et il s'en fut se coucher. Le lendemain matin, il faisait une journée magnifique, et l'inspecteur Pinson, ayant une affaire importante qui l'appelait à Paris, résolut de s'y rendre non pas par le train, mais en motocyclette, s'il pouvait s'en procurer une. Il aimait le sport, et ses affaires terminées à Paris, il pourrait être de retour avant la nuit. Tout à l'entrée du parc de maisons, il aperçut une boutique où l'on faisait des réparations aux bicyclettes, automobiles et autres machines, et avisant le marchand, il lui demanda s'il n'aurait pas une motocyclette à lui louer pour la journée. « J'en ai bien une, » lui répondit l'autre, « mais je vous assure que je ne tiens pas à la louer. On me rapporte mes machines en tellement mauvais état que les réparations me font perdre tout le bénéfice de la location. Tenez, pas plus tard qu'avant-hier dimanche, un lad de chez Danby est venu me louer la motocyclette que voilà et il me l'a rapportée dans un état. C'est honteux, monsieur. » Ces mots intéressèrent vivement l'inspecteur Pinson. Un lad d'écurie avait loué une motocyclette dimanche, le jour du Grand Prix. Ah, il y a des gens qui ne savent pas se servir de ces machines. Mais votre client aurait bien pu monter l'un des chevaux de son écurie pour la petite course qu'il avait à faire, au lieu de louer une motocyclette. Oh, est-ce que je sais? Il fallait qu'il aille à Paris tout de suite. Il avait raté le train de 11 heures. Ma foi, je lui loue ma machine, et quand il me l'a rapportée, elle était toute abîmée. J'en ai eu pour 7 francs de réparation. Alors vous pensez? Et puis ce n'est pas tout encore. Est-ce qu'il n'avait pas perdu la petite trousse à outils en route? Non. Mais c'est comme je vous le dis, monsieur. Alors, c'était le bouquet. Quand je m'en suis aperçu, je lui ai dit « Duval, mon ami, vous allez me payer ma trousse et toutes les réparations. » Oh ça, il m'a réglé de suite. Il faut lui rendre cette justice. Mais seulement, vous comprenez comme moi que cela ne vous encourage pas à louer des machines. Enfin, si vous m'assurez que vous y ferez attention et que vous vous y connaissez, je veux bien vous la louer. Pinson paya et partit dans la direction de Paris. Il riait en lui-même car le hasard l'avait mis sur la piste qu'il cherchait. Duval, Latch et Danby avaient loué une motocyclette avec laquelle il s'était rendu à Paris, quittant Maison Lafitte un peu après 11 heures du matin, c'est-à-dire en temps opportun pour pouvoir envoyer un télégramme de Paris qui parviendrait sur l'hippodrome de Longchamp avant la course du Grand Prix. L'inspecteur possédait maintenant les premiers détails qui devaient l'amener à découvrir le reste de l'affaire. Immédiatement, il décida de gagner Paris et d'aller au bureau de poste où le télégramme avait été déposé. C'était un bureau du centre de la ville. Pinson demanda à parler au directeur et lui exposa l'objet de sa visite en l'informant également de sa qualité d'inspecteur de la sûreté. « Je désirais que vous me remettiez, si vous l'avez encore, le texte autographe du télégramme que voici. Ceci est absolument contraire à nos règlements d'abord. Ensuite, il y a de grandes chances pour qu'il ait été détruit depuis dimanche. Mais enfin, comme il s'agit d'une affaire de police, je crois que je puis prendre sur moi de faire faire cette recherche dans mes bureaux, sans attendre un ordre en règle du parquet. Restez ici, monsieur Pinson. » Le policier n'eut pas longtemps à attendre. Quelques instants après, le directeur revenait, accompagné d'un employé. « Vous avez de la chance. Voici le texte autographe du télégramme et l'employé qu'il a reçu dimanche. Il pourra peut-être vous donner quelques détails. »« Vous vous souvenez-vous ? » dit le policier en s'adressant à l'employé du télégraphe. « Qui vous a remis dimanche cette dépêche à envoyer ?»« Oui, monsieur. Et ce m'est d'autant plus facile que le porteur était monté sur une motocyclette. Or, je suis un fervent de ce sport. Ayant aperçu sa machine, je la regardais par-dessus les carreaux. Je lui en parlais même, et il me dit avoir fait une assez longue traite, dans un temps relativement court, à mon avis. Il m'a même dit avoir perdu sa trousse à outils en route, et m'a demandé où il pourrait faire une petite réparation urgente, et je lui indiquais un magasin tout proche. Sauriez-vous reconnaître la personne qui vous a remis cette dépêche ? Oh oui, c'était un jeune homme de 20 ans à peine et qui portait aux jambes des leggings de cuir, comme en ont les gens d'écurie. Bien, c'est tout ce que je voulais savoir. Je vous remercie, messieurs, et je garde le texte autographe du télégramme qui doit me servir de pièce à conviction le cas échéant. Je vais vous en donner un reçu, monsieur le directeur. Il était près de 5 heures du soir quand Pinson vint retrouver Danby à Maison Lafitte. « Eh bien, avez-vous du nouveau ?» lui demanda l'entraîneur. « Vous avez un lad d'écurie du nom de Duval ?»« Oui. Veuillez le faire appeler. Mais ne vous occupez de rien et laissez-moi faire. » Duval ne fut pas long à venir et se tint debout, tournant sa casquette de laine entre ses doigts. Pinson le regarda fixement, puis « Pourquoi avez-vous envoyé ce télégramme de Paris dimanche dernier ?»« Moi, monsieur, un télégramme dimanche dernier ?»« Ne niez pas, ne mentez pas, nous savons tout. » Voici d'ailleurs le texte de la dépêche remise par vous au bureau de poste. N'irez-vous encore ? Duval se tut un moment. On voyait qu'il hésitait à tout dire. « Allons, mon garçon, lui dit Pinson, avouez la vérité, et je me porte garant que M. Danby vous pardonnera. Mais il nous faut la vérité et toute la vérité. Voyons, je vais vous mettre sur la voie. C'est Store qui vous a demandé de l'envoyer, afin de lui permettre de monter Fra Diavolo. Ah, ça non, monsieur ! Répliqua Duval spontanément et avec un accent de sincérité qu'on ne pouvait discuter. « Store n'y est pour rien, et jamais on ne me fera dire cela. »« Eh bien, alors parlez. Dites-nous aux ordres de qui vous obéissiez en agissant ainsi. » Duval hésita encore un instant, puis, tout d'un coup, il s'écria. « Oui, vous saurez tout, car cela me pèse réellement trop sur la conscience. » »« Vous souvenez-vous, monsieur Danby, qu'il y a quelques mois, on avait dérobé à Wells quelques louis qu'il avait laissés dans la poche d'un veston. Il y avait exactement 100 francs en or. « Oui, en effet, j'ai entendu parler de cela, » répondit l'entraîneur. « Mais ne m'a-t-on pas dit que Wells avait retrouvé cet argent, qu'il pensait à tort lui avoir été volé ?»« C'est une erreur, monsieur Danby. L'argent lui avait bien été volé. C'est moi qui l'avais pris. J'avais ma mère très malade à ce moment. Il fallait de l'argent à tout prix. J'ai essayé d'en emprunter, je n'ai pas réussi. Alors, ma foi, j'ai vu le veston de Wells accroché dans un box, en passant à côté, je le frôlais, et j'entendis un son d'or. La tentation fut trop grande pour moi, et je volai cet or. Dubal avait baissé la tête, et de grosses larmes roulaient sur ses joues. « Mais je ne vois pas, fit l'entraîneur, ce que l'histoire de ce vol a à faire avec l'envoi du télégramme de dimanche. »« Laissez-le parler, murmura Pinson. Nous allons bien voir. Continuez, Duval. » Je ne sais pas comment, mais Wells apprit que j'étais l'auteur du vol. Il me pardonna, à condition que je lui rembourse l'argent sur mes gages mensuels, et il ne porta pas plainte. Mais de ce moment, ma vie devint insupportable. Wells me tenait sous la menace perpétuelle de me dénoncer à M. Danby et de me faire perdre ma place. Il se plaisait à me faire ainsi souffrir. Or, la semaine dernière, 2 jours avant le Grand Prix, il se foulait le poignet à l'entraînement. Mais tout le monde ignora cet accident, dont j'avais été le seul témoin. Il lui devint impossible de monter Fra Diavolo dimanche. Mais vexé de ce contretemps et sachant que Storr, qu'il déteste, le remplacerait, il résolut de lui faire du tort. C'est lui qui imagina de faire envoyer un télégramme qui parviendrait à Longchamp quelques instants seulement avant la course, de feindre de se rendre auprès de sa femme et de revenir au pesage avant la fin de la journée. Il dévoilait l'envoi de ce télégramme mensonger et, sans accuser Storr, laissait les soupçons planer sur lui car, pour tous, il était évident que Storr avait tout intérêt à agir ainsi. Mais Wells avait besoin d'un complice pour faire envoyer la dépêche et comme il me tenait sous sa coupe, il me força à aller à Paris au bureau de poste. C'est lui qui m'avança même l'argent nécessaire à la location de la motocyclette, car je n'en avais pas. Vous savez toute la vérité, messieurs, et j'en suis heureux, parce que c'est un rude poids de moins sur ma conscience. Maintenant, faites de moi ce que vous voudrez. » Wells ne fait plus partie de l'établissement d'entraînement de Danby, et il ne court même plus sur les hippodromes de France. Il est retourné en Angleterre. Son nom paraît encore, mais rarement, dans les journaux sportifs anglais. Quant à Duval, l'entraîneur lui a pardonné et l'a conservé à Maison Lafitte, où il s'efforce de faire oublier sa malhonnête action. Storr a naturellement été entièrement réhabilité. Ainsi s'achève Trahison de jockey, une enquête de l'inspecteur Pinson par Jacques Bellême.